بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس لهذا الدرس 44 في شرح أصول الإيمان. Bienvenue aux chers frères dans cette assise pour l'explication des fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala. Aujourd'hui le cours numéro 44. On est arrivé au hadith de Aïcha, l'auteur qui nous dit: wa an Aïcha radiyallahu anha qalat tala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab qara'a ila qawlihi وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه. عائشة رضي الله عنها qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a récité la parole d'Allah. C'est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi, donc celui-ci contient des versets évidents qui sont la base du livre. Ummul Kitab, la base du livre. Elle dit à Aisha radiallahu anha, il a récité jusqu'à la parole d'Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Et certes, seul les gens de raison suivent le rappel. Qalat, et donc Aïcha qui nous dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez ceux qui suivent les versets à équivoque, les versets qui peuvent porter à confusion, alors ceux-là sont ceux qu'Allah a cités dans ce verset. Alors méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux, muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Al-Bukhari et muslim. فهذا الحديث أيها الإخوة عظيم جدا. Ce hadith il est grandiose, oh chers frères. فيه أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. Il y a dans ce hadith le fait que le Coran contient des versets qui sont évidents et des versets qui peuvent porter à confusion. فالآيات المحكمات هي الواضحات التي تفسيرها لا يحتاج إلى غيرها. Et donc les versets qui sont évidents, ce sont les versets qui sont clairs, dont leur explication ne nécessite pas le fait de regarder dans les autres versets. Tu n'as pas besoin de regarder dans d'autres versets pour comprendre ce verset-là, parce qu'il est clair. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui accordez aucun associé. Parole claire. Pas besoin de regarder sur un autre verset pour comprendre celui-ci. والآيات المتشابهات هي التي فيها أو هي التي فهمها يحتاج إلى نظر وتأمل. Par contre, les versets qui peuvent porter à confusion, ce sont les versets dont leur compréhension dépend d'une recherche, d'une certaine réflexion, d'une méditation. Et pour comprendre, pour avoir l'explication de ces versets-là, on a besoin de regarder d'autres versets. Et donc, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition dans le Coran. ولكن الله تبارك وتعالى بحكمته جعل في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات. Cependant, Allah تبارك وتعالى de sa sagesse, il a placé dans le Coran des versets qui sont évidents et des versets qui peuvent porter à confusion. فيتميز الصادق في إرادة الحق من غيره. Et donc celui qui est sincère dans le fait de vouloir la vérité va se distinguer des autres. il est sincère dans le fait de vouloir la vérité, il va se distinguer des autres, il va croire donc en tous les versets et va donc revenir aux versets qui sont évidents lorsque cela est nécessaire. Wamithalun ala zalik. Un exemple pour montrer donc les versets qui sont clairs et les versets donc qui peuvent porter à confusion. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Et votre divinité est une divinité unique. La ilaha illa hu. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. C'est Ar-Rahman, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Cette parole, هذه الآية من المحكمات. Ce verset fait partie des versets qui sont évidents. Il y a un autre verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nuhyi al-mauta. Certes, c'est nous qui donnons la vie aux morts. C'est nous qui donnons la vie aux morts. Est-ce qu'on comprend de ce verset le pluriel? C'est nous qu'il y a plusieurs divinités. Hein? Est-ce qu'on va faire comme les chrétiens? Trois divinités, en fait c'est une. Trois essences, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est une divinité. Non. On va comprendre ce terme « nous ». « Nahnu ». Ce n'est pas le pluriel qui est voulu ici. Ce n'est pas le pluriel qui est voulu ici, mais « Et-Tarim ». Le fait de valoriser Allah Tabaraka wa Ta'ala, de le glorifier. Et donc, ici, ce qui est voulu, c'est « Et-Tarim ». Comme on a aussi dans la langue française, avec les personnes de haut rang, le roi, le président, même lorsqu'ils peuvent parler d'eux, ils vont parler d'eux en utilisant ce terme « nous avons fait ceci », etc. Cela ne veut pas dire que ce sont plusieurs personnes qui l'ont fait. Et donc pour comprendre ce verset correctement, on revient vers le verset où Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « wa ilahukum ilahun wahidun ». Et votre divinité est une divinité unique. Wa qad yaqulu ba'dun nas ana fahimtu hadhihi al-aya min awwal al-amr duna nadharin ila al-ayat al-ukhra. Certaines personnes peuvent nous dire moi j'ai tout de suite compris ce verset sans même avoir regardé l'autre verset, j'ai tout de suite compris. Et c'est là qu'on va vous dire al-mas'ala al-ayat al-muhkamat wal-mutashabihat hadha amr nisbi. On va vous dire les versets qui sont clairs et évidents et les versets qui peuvent porter à confusion, ça c'est un sujet qui peut varier d'une personne à une autre. Ça peut varier d'une personne à une autre. Ya'ti rajulun ila aya fa yaqul hadhihi fahimtuha ma sha Allah. Il y a un homme qui arrive à un verset et dit ce verset là je l'ai compris, ma sha Allah alhamdoulillah, j'ai compris. Un autre qui va lire le même verset, il va dire ah hadhihi ashkalat alayya. Ce verset, il me pose problème, je ne l'ai pas compris. Alors que c'est le même verset, mais deux personnes différentes. Et donc, ce sujet, le fait qu'un verset va être clair et évident, ou un verset va porter à confusion, cela peut varier d'une personne à une autre. إذن يجب علينا أيها الإخوة إذا أشكل علينا شيء من كتاب الله أن نرجع il a l'ayat al-muhkamat. Et donc, il nous est obligatoire, si il y a un verset qui nous pose problème dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous est obligatoire de revenir vers les versets qui sont clairs afin de comprendre correctement ces versets qui peuvent porter à confusion. Wa la yustadallu bil mutashabih hatta naruddaha ila al-muhkamat. Et on ne peut pas utiliser les versets qui portent à confusion comme preuve. On ne peut pas les utiliser avant de les avoir renvoyés, avant d'avoir renvoyé cela vers aux versets qui sont clairs, afin d'avoir une bonne compréhension du verset lorsqu'on l'utilise comme preuve. Voilà pourquoi les ulama, ils nous disent, c'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité, qui a la permission, donc, d'émettre des fatwas, qui a la permission d'émettre des jugements et de parler comme cela du Coran, parce qu'il est impératif que tu aies une bonne compréhension du verset. Tu vas lire un verset, tu vas l'utiliser comme preuve. Mais est-ce que tu as réellement compris ce verset? Et donc ce sujet est très important pour éviter qu'on utilise le Coran n'importe comment, comme l'ont fait les gens de l'innovation. وهذه الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce verset que le prophète صلى الله عليه وسلم a lu, donc la parole d'Allah تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il contient des versets qui sont donc qui sont clairs et évidents, et ceux-là sont les bases du livre ou la base du livre. وأخر متشابهات et d'autres versets qui peuvent porter à confusion. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. En ce qui concerne ceux qui ont donc une déviance, الزير, ceux qui ont une déviance dans leur cœur, ils vont suivre les versets qui peuvent porter à confusion. Ils vont s'accrocher à ces versets qui peuvent porter à confusion. En recherchant la fitna, en recherchant le fait d'égarer les musulmans, en recherchant le fait de mettre la confusion dans les rangs des musulmans, comme on peut le voir à notre époque, les gens qui vont utiliser des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala pour rendre licites des meurtres, pour rendre licites pour rendre licite le fait de caricaturer Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Non, cela n'est pas permis en islam. Mais certains vont venir avec des versets du Coran pour essayer de nous montrer que tout cela est permis. Et donc ils vont utiliser des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala pour mettre la confusion chez les musulmans. Un exemple. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous parle de l'akhira, qui nous parle de l'au-delà, yawm al-qiyama. Et il nous dit, donc concernant les gens ce jour-là, il nous dit « وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا » Et ils ne pourront rien cacher à Allah. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle toujours des gens, « يَوْمَ الْقِيَامَ » au jour de la résurrection. Et il nous dit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils diront au jour de la résurrection? Ils diront « Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin » Par Allah, ô notre Seigneur, nous n'étions pas polythéistes. Et donc certains vont prendre ces deux versets, ils vont dire « Regardez, comment est-ce que c'est possible ?» On a ici, Allah nous dit que ces gens-là ne pourront rien cacher. Et dans un autre verset, ces gens-là, ils jurent en cachant le fait qu'ils étaient des polythéistes. Ils jurent en cachant le fait qu'ils étaient des polythéistes. Et donc, ils ont caché la vérité. Alors, on fait comment pour rassembler les deux? Ils vont nous dire, il y a une contradiction, etc., etc. Tout cela pour perturber les croyants. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, les gens qui sont fermement, qui sont raffermis dans la science, ar-rasikhuna fil ilm, يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Et donc ceux qui sont fermement donc dans la science, ils disent آمنا به, nous y croyons. Nous croyons en ce verset-là et celui-là. كل من عند ربنا. Les deux versets viennent de notre Seigneur. Tout cela vient de notre Seigneur. كل من عند ربنا. Et donc qu'est-ce qui est voulu ici? Tout cela vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si cela venait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Et donc, cette parole vient d'Allah, ça veut dire, donc tous ces versets viennent d'Allah, et donc, il n'y a pas de contradiction. Quelle est l'explication? L'explication, c'est que يَوْمَ الْقِيَامَةِ, un jour, ça dure combien de temps? Hein? 24? 50 000 ans? 1000 ans. Et donc, 1000 ans. Un jour, 1000 ans. Et donc, les savants nous disent, La situation, il y a plusieurs situations dans ce jour, Yawmul Qiyama. Ce n'est pas une seule chose qui se passe en ce jour. À un moment, il se passe ça. À un moment, il se passe ça. À un moment, il se passe autre chose. Allah tabaraka wa ta'ala a cité plusieurs situations. À un moment, ils ne peuvent pas du tout parler. Et donc, il y a plusieurs choses qui vont se passer en ce jour, qui va durer 1000 ans. Et ici, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et donc, il est important, aux chers frères, pour comprendre le Coran correctement, de revenir lorsqu'on a des sujets qui portent à confusion, de revenir vers les versets qui sont clairs et évidents. Ceci est une obligation. Et ceci est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, contrairement aux Khawarij. Les Khawarij qui ont pris certains versets et qui ont délaissé d'autres qui étaient clairs. Et à l'opposé des Khawarij, on a le Murji'a, qui ont pris certains versets et qui ont délaissé d'autres. Et donc, entre les deux, il y a les gens de la Sunna qui sont le juste milieu, qui vont prendre tous les textes du Coran et de la Sunna et qui vont les comprendre correctement. Et donc, il est important, chers frères, que nous fassions des efforts pour comprendre correctement ce livre et ne pas opposer les versets, les paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les unes aux autres, comme le font les gens de l'égarement. Il y a dans ce hadith, ô chers frères, le fait de se méfier et de mettre en garde contre les personnes qui ont des maladies dans leur cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Si vous voyez ceux qui suivent les versets qui peuvent porter à confusion, alors ces gens-là sont ceux qu'Allah a cités. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Et donc il met en garde contre eux, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il y a l'histoire, une histoire très connue qui a été citée par Ad-Darimi dans son Sunan, ou alors d'autres, beaucoup de savants l'ont cité dans leur recueil, l'histoire de Sabir. Certains savants qui nous disent Sabir ibn Isl, d'autres ils disent Sabir ibn Asal, ou d'autres encore. Al-Muhim Sabir kana ya'ti ila al-ayat al-mutashabihat wa yas'alu an-nas anha. Et donc Sabir, il venait donc avec des versets qui peuvent porter à confusion, il interrogeait les gens concernant ces versets-là. Et donc il troublait les gens, il les perturbait. Hatta بلغ ذلك امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. Jusqu'à ce que cela parvienne à Omar, qui était le prince des croyants, رضي الله عنه. Alors Omar, donc, il a rencontré cet homme. Il lui a demandé: من انت? Il a dit: انا عبد الله صبير. Il lui a dit: je suis le serviteur d'Allah, Sabir. Et Omar, il lui a dit: wa ana abdullah Omar. Il lui a dit: moi je suis le serviteur d'Allah, Omar. Fa Omar darabahu radiyallahu anhu. Omar, il l'a frappé à la tête. Hatta shajja ra'sahu. Jusqu'à ce qu'il a fendu sa tête. Alors Sabir, qui disait dans une narration: ya amir al-mu'minin, in aradta qatli faqtulni qatlan hasana. Et donc, ô prince des croyants, si tu veux ma mort, si tu veux me tuer, alors fais-le d'une bonne façon. Wa in aradta shifa'i. Et donc si tu veux ma guérison, donc la maladie que j'ai dans mon cœur, fais qu'on dhahaba anni ma kana fi. Et donc si tu veux ma guérison, certes ce qu'il y avait en moi, la maladie qu'il y avait en moi, elle est partie, c'est bon. Dans une narration, ya amir al-mu'minin, dhahaba anni ma kuntu a'taqidu. Oh prince des croyants, la croyance que j'avais, elle est partie, c'est bon, elle est partie. Et donc Omar radiallahu anhu, il l'a puni. Wa taradahu, il l'a chassé de la contrée où était Omar. Dans certaines narrations, il l'a envoyé dans la contrée où était donc Abu Musa al-Ash'ari. Wa kataba ila Abi Musa an la yujalisahu ahad. Il a donc écrit un message à Abu Musa al-Ash'ari, lui ordonnant que personne ne fréquente Sabir. Il a ordonné le fait de boycotter cet homme. Il a ordonné le fait de le boycotter parce qu'il venait avec des ambiguïtés. Comme on a aujourd'hui ces personnes qui viennent avec des ambiguïtés et qui perturbent les musulmans. Aujourd'hui, si tu dis aux gens, attention, méfiez-vous d'un tel, les gens vont te dire, ah, il est dur, il est dur, il est dur. Il est dur, il est dur, il a mis en garde contre tel. Il n'y a jamais un, c'est pour votre dîme, c'est pour votre religion. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit sur Mimbar une fois, on avait mis en garde contre la mosquée de Ish. On avait mis en garde contre la mosquée de Ish. Pourquoi ? À cause du fait de leurs ambiguïtés de Khawarij et leurs éloges sur Daesh, etc., etc. Il y en a un qui est venu ici dans mon bureau, on a parlé. Et le lendemain, ou le surlendemain, on a abordé le sujet donc dans la khutbah du vendredi. Il y en a qui n'étaient pas contents. Comment ça, on met en garde contre si comment ça, il a dit, c'est pour votre religion. Si vous n'avez pas peur pour votre religion, allez-y, moi je ne vous force pas. Je ne force personne. Mais je vous mets en garde, c'est pour votre religion. Pour vous préserver. Car ces gens-là, ils sont fiers de dire qu'il y a 6 parmi eux qui sont partis en Syrie. Ils sont fiers. Ils ne le cachent pas. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas peur pour ta religion, vas-y, bismillah. Mais ne viens pas te plaindre par la suite. On t'a mis en garde, tu as été prévenu. Et donc, au cher frère, il n'y a aucune exagération en cela. Parfois, il est nécessaire de mettre en garde contre certains individus. Et cela fait partie de notre religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, « Fahdharuhum, méfiez-vous d'eux. » Même s'ils sont musulmans, méfiez-vous d'eux. Et donc, il est important, chers frères, qu'on revienne à la compréhension correcte du Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, pour ne pas faire trop long. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu khairan.